La déclaration commune du ministère de la Sûreté nationale, du ministère de la Sécurité du peuple et du parquet central de la République populaire démocratique de Corée soulève la haine et l'esprit de vengeance des cadres coréens contre les criminels qui ont ourdi un terrorisme d'État terrifiant contre notre direction suprême. Le vice-ministre de la Culture physique et des Sports, Son Gwang-ho, le chef de département de la Direction générale de l'exploitation forestière du ministère de la Protection du territoire national et de l'environnement, Pei Won-chul, le vice-président du comité de l'économie rurale pour la ville de Pyongyang, Kim Song-chul, et la vice-présidente du comité central de l'Union des femmes, Kim Myung-suk, ont dit « Comme la nature existe grâce au soleil, la vie, le bonheur et l'avenir radieux sont dus à la direction suprême de notre révolution. C'est la foi immuable de tous les Coréens. Il faut exécuter sans merci au nom de la nation la traîtresse Bakounet et Lee Byung-ho, ancien directeur de l'Agence nationale de renseignement, et sa bande qui ose abattre notre foi. » Le chercheur de l'Institut de jurisprudence de l'Académie des sciences sociales, Kim Chol, a dit « Selon le droit pénal de notre République, les organisateurs, les complices et les partisans du terrorisme d'État ultra-géant perpétrés contre notre direction suprême sont sujets à la poursuite pénale du droit de notre République sans égard à la nationalité, et la prescription de la poursuite pénale n'est pas appliquée à un tel crime. Je réclame catégoriquement de condamner sommairement à la peine capitale les meurtriers Bakounet et Lee Byung-ho au nom du code pénal de notre République et au nom de la justice et de la conscience. »